La boxe est bien présentée, Oui. le visuel est travaillé, ça sent bon. Voilà, mettre en avant des petites entreprises, des artisans, dans un concept de découverte et de surprise, en fait, chaque mois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la 60e interview à visage caché de Beauté Imaginée sur le thème ce soir des box beauté par abonnement. Et ma belle invitée, c'est Myriam, la fondatrice de la BioSweet Box, une toute nouvelle box par abonnement responsable. Bonsoir Myriam, tu m'entends Bonsoir. bien? Moi, c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi, je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, Beauté Imaginée, pas d'accent tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. J'avais envie de parler de ce thème des box par abonnement depuis longtemps. Et toi et moi, on s'est rencontrés sur Instagram et tu viens de lancer donc ta box cosmétique responsable qui rassemble chaque mois plusieurs produits de beauté aux compositions naturelles ainsi qu'un accessoire et un livret de conseils. Et d'ailleurs, merci pour cette box de janvier. Les abonnés du coup de la BioSweet Box ce mois-ci ont par exemple reçu un livret d'automassage, un roll-on diffuseur d'huile constitué avec du quartz rose, juste ici, ainsi que une huile d'argan, juste là, et que j'ai versée également dans le roll-on pour pouvoir l'appliquer en complément du quartz rose, et le savon bio d'Anès. Donc ça, c'est une box qui a été pensée zen, hein, c'est ça, Myriam? Oui, tout à fait. Déjà, bah, je tiens à te remercier de m'avoir proposé de faire cette interview et de parler bah, du concept de la boxe. Le concept de la boxe, Avec c'est plaisir. boxe beauté, mais pas seulement. C'est également une boxe bien-être. Et je voulais que la première boxe, la boxe de janvier, soit vraiment axée sur le prendre soin de soi. Effectivement, c'est une boxe zen. Voilà. Oui. Donc, la box zen, il y a effectivement le roll-on avec les quartz roses qui ont plusieurs vertus, mais pour ne citer vraiment que celles en rapport avec la box, c'est qu'il diminue les tensions, il stimule la circulation et également l'apparition des premières rides. Donc avec le roll-on, on peut utiliser l'huile d'argan comme tu l'as fait justement en massage détendre. Et si par contre on veut quelque chose contre le stress ou l'angoisse du quotidien, on va dire, on peut utiliser le roll-on avec des huiles essentielles et avec une huile végétale de base plus neutre comme l'huile d'amande ou l'huile d'abricot. Ah oui, d'accord. Donc Eh plein, bien plein de possibilités. voilà, et quand on a fini donc les huiles qui sont dans son roll-on, surtout bien penser à nettoyer les pierres voilà, avec de l'eau de source. Et puis pour ceux qui utilisent ces pierres-là pour leur vertu, ils peuvent effectivement les laisser sécher au rayon du soleil ou de la lune pour qu'elles retrouvent leur pouvoir d'origine. Ah, c'est la technique en lithothérapie, hein, c'est ça le terme. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ah oui, bah c'est moi je découvre, c'est la première fois que j'ai l'occasion de découvrir, donc je suis contente de tester ce quartz rose du coup pour voir c'est bien fait comme ça. Et donc nous avons le savon d'Anès. Tu le mets en jeu, Myriam, dans le cadre de notre concours. Tout à fait. Donc, c'est un savon naturel de fabrication artisanale d'une entreprise française qui a vu le jour, je crois, en 1995. Donc, c'est du lait d'Anès bio. Voilà. Il est sans parfum, celui-ci. Hein. J'ai préféré prendre un sans parfum pour justement diminuer les risques d'allergie. Ah oui. Mais cette savonnerie, la savonnerie du Gourdon est située au niveau de la capitale du parfum. Donc ça, voilà, Ah. sont spécialisés justement dans les huiles essentielles et tous les parfums qui ont dans leur savon. Et si par la suite voilà, la clientèle souhaite tester les savons avec les senteurs, il n'y a pas de souci, il suffira de me le dire, me le mettre en commentaire, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou YouTube, et il n'y a pas de souci, on pourra tester. Ah oui, Voilà. tu veux créer comme ça, tu es prête à avoir un échange et à suivre en fait grâce aux réseaux sociaux les envies des abonnés. Tout à fait. Bah d'ailleurs, le roll-on, c'est comme ça qu'il est arrivé dans la box. Je voulais quelque chose pour le bien-être et j'avais proposé trois ustensiles bien-être et celui-ci a été choisi. Ah, Voilà. génial. D'accord. L'idée, c'est que ce soit aussi interactif. Oui. C'est que ça puisse plaire, mais voilà, que les gens n'emmagasinent pas des produits chez eux qui ne servent à rien. L'idée, c'est de faire découvrir et que quand ça te plaît et qu'on ait envie de découvrir encore d'autres produits, des petites marques en fait. Oui, c'est une des vocations de ta box. Alors on va enchaîner, tu vas en parler juste après. Chers auditeurs, je vous ai écrit en bas les informations, les devinettes que nous vous proposons ce soir. Voici les informations à deviner concernant Myriam, la cause à laquelle Myriam est particulièrement sensible. Qui a-t-elle hébergé chez elle justement? Et quel type de livres Myriam aime-t-elle collectionner? On nous dit très intéressant l'interactivité. C'est une vraie valeur ajoutée, ce dont tu parlais de proposer aux abonnés d'orienter en fait les prochaines box. Tout à fait. Bah déjà, la box de février est orientée par rapport aux remontées qu'on a pu me faire. Voilà, de toute façon, je pense que tous les produits proposés tendent à évoluer effectivement. Une entreprise qui ne sait pas se remettre en question, une entreprise qui ne peut pas perdurer. Et l'idée, à travers cette box, c'est vraiment de partager. Donc, la box, voilà, ce qui m'a été remonté, c'est que pour le moment, les personnes souhaitent surtout une quantité de produits. Donc la box de février aura quatre produits et non trois produits. Quels produits on peut trouver dans une Bio Sweet Box et peut-être quels produits on ne peut pas trouver, même si voilà, tu as montré ton ouverture pour t'adapter à la clientèle, il y a peut-être des critères quand même précis. Oui, tout à fait. Ce qu'on ne trouvera pas dans la Bio Sweet Box, c'est les produits de consommation industrielle. Voilà, ces choses-là. On ne Oui. trouvera pas de produits non naturels. Ah Voilà, tous ces oui. produits-là. D'accord. Qu'on appelle un peu de la cosmétique conventionnelle, c'est pas l'objectif. Non, pas du tout. C'est une box naturelle, une box naturelle biologique. Donc, forcément, il n'y aura pas de. S'il n'y a pas ces critères-là, le produit ne peut pas être présent. D'accord. Oui, Bio Sweet Box, puisque c'est donc important pour toi que les produits soient forcément labellisés bio ou au moins aient des ingrédients biologiques. Oui, au moins, ils aient des ingrédients biologiques ou naturels. Voilà. Oui, d'accord. Si on remonte un peu le temps, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette box par abonnement? La base, c'est que j'ai une appétence pour l'environnement, pour la nature, pour le consommer plus sainement. Et moi, ça fait des années que je Ah fais attention tout bêtement à ma consommation d'eau. Voilà, c'est oui. une façon de vivre que j'ai pu découvrir au travers de proches qui ont commencé à travailler dans les magasins bio quand ils se sont implantés en France. Et puis, effectivement, c'est vrai que les produits biologiques, ça a toujours un coût. Bon. Oui. Après, on est dans une société qui privilégie plus facilement d'acheter un grand écran ou le dernier téléphone à la mode plutôt que de consommer, on va dire, naturellement. Et donc, je suis tombée par hasard sur un concept de box et je me suis dit que c'était intéressant justement de pouvoir faire partager d'abord de l'information, de la formation sur les produits, et puis que ce soit accessible, on va dire, au plus grand nombre, mais toujours sous une forme de découverte. Voilà, parce que la boxe, en fait, c'est pas seulement recevoir des produits dans un carton. Oui. Voilà, la boxe est bien présentée, il y Oui. a le visuel est travaillé, ça sent bon. Voilà, mettre en avant des petites entreprises, des artisans, dans un concept de découverte et de surprise, en fait, chaque mois. Oui, donc l'objectif, c'est quand même de sensibiliser à cette cosmétique un petit peu alternative. Tout à fait. Je pense, D'où... après la guerre, on a été obligé de nourrir en masse et d'utiliser les pesticides, etc. On voit bien ce que ça donne. Et en fait, si on ne change pas de façon de vivre, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Et alors, on ne peut pas se dire égoïstement, oh, on verra, c'est dans longtemps, ou je m'en fous. Si on pense tous comme ça, effectivement, on va droit dans le mur. Mais si chacun fait des petits gestes, pas grand-chose, hein, quand on se lave les mains, fermer l'eau du robinet, bien savonner, rouvrir l'eau, mais pas trop forte. Voilà, si on fait des petites choses comme ça et qu'on prend aussi soin de soi avec des produits naturels, bah, on a une autre qualité de vie, et ce qu'on laissera aussi aux générations futures, ce sera plus vivable. Désolée, c'est un peu trop, peut-être un peu trop engagé, mais je trouve qu'en fait, tout Non, est lié. non. Tout est lié, tu dis, pardon? Oui, c'est ça, tout est Oui. lié. La surconsommation, c'est une des causes contre laquelle tu te bats avec cette boxe. Oui et non, oui, parce que effectivement, ce que j'essaye de faire avec la boxe, déjà, c'est de privilégier, comme je dis, les petites entreprises. Donc, c'est pas des Oui. grosses machines. C'est de privilégier le petit artisan, d'avoir des produits différents et ne pas les emmagasiner. Donc, j'essaye de trouver à chaque fois des produits différents pour une partie du corps. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'intérieur est pensé pour être biodégradable, à l'exception le moment du papier de soie qui est à paillettes, mais ça aussi, c'est une demande de la clientèle. Il y a un travail aussi sur le packaging, puisque elle est biodégradable. Tout à Le fait. carton utilisé, tu y as réfléchi aussi. Le carton est biodégradable, les frisures de bois sont également biodégradables. Je récupère au maximum le matériel dans lequel les produits m'ont été envoyés, comme les petites choses de calage en maïs. Voilà, également. Donc, Oui. sauf bah, ce papier de soie à paillettes qui, j'espère par la suite, pouvoir passer à un papier de soie biodégradable. D'accord. Et au niveau de tes marques de cosmétiques partenaires, ta box s'inscrit en fait dans leur budget publicitaire. Tu peux nous expliquer comment ça se passe? Oui, alors c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est plus facile de faire de cette façon avec les grosses entreprises. Le budget publicitaire, c'est quoi? C'est d'aller voir une marque et de lui dire, voilà, je vous propose de présenter vos produits mis en valeur, etc., d'une telle façon, par un réseau, par les réseaux sociaux, par un réseau d'influenceuses. Et pour eux, en fait, ça rentre dans leur budget publicitaire, ce n'est pas de la vente. Et ils pourraient, dans ces cas-là, proposer soit des produits, ce n'est pas pour mettre de l'argent dans la poche, mais c'est de l'argent pour faire des actions, ou vraiment diminuer leur marge, pour aussi, habituellement, on va dire, assez cher. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est possible de faire avec les petites entreprises, ou avec des marges qui sont beaucoup plus limitées. Faible. Voilà. Donc, quand effectivement, beaucoup plus faible, tout à fait. Effectivement, j'ai pu aller voir quelques grandes marques et cette façon de faire. Voilà ce qui a fonctionné. Mais c'est vrai que quand on cible les petits artisans, les petites entreprises, c'est plus compliqué. Mais Donc là, donc, ils n'ont pas le l'idée même de base, c'est qu'en même fait, budget. Et oui, parce qu'une grosse entreprise, comme tu disais, ou une moyenne entreprise, va avoir un budget, par exemple, pour payer une publicité radio, par exemple. Et là, toi, tu proposes une alternative à ce type de communication en étant présent dans ta box à moindre coût, du C'est coup, ça. en te proposant les produits à prix très attractifs. Ça permet à la marque d'être associée à ton image de la BioSweet Box et aux marques de la même ayant la même image finalement. Voilà, c'était le but au départ, et voilà, ça marche avec les grandes marques, mais pas, voilà, pas avec les petites entreprises et les artisans. Pour le consommateur, il y a un vrai un intérêt financier. Ah ben, le prix d'une box est en gros de 30 euros. Voilà. Donc eux, ils payent 30 euros et ils ont une valeur produit qui est beaucoup plus intéressante, puisque là, effectivement, on voit dans la box la Zenitude Box, l'huile d'argan. Si on l'achète la même marque, le même conditionnement sur Internet, elle est à 39,90 €. Ah Voilà, donc. oui. Donc rien que sur ce produit-ci, déjà, la BioSweet Box est moins chère que l'huile. Ouais. Tout à fait. En plus, sur l'huile d'argan, alors certains détracteurs vont dire, ah ben oui, mais moi, je suis d'argan sur Amazon à 15 euros. Oui, mais alors cette huile-là, elle est fraîche, elle est pure, il y en a 100 millilitres. Voilà, donc il faut comparer aussi ce qui est comparable, c'est que là, vraiment, c'est des produits sains et de petites entreprises. Donc en fait, elle est toute fraîche. Hein. Et Voilà. oui, et il n'y a que de l'huile d'argan à l'intérieur du flacon. C'est ça. Et du coup, tu proposes à ces marques d'être représentées dans ta BioSweet Box et ensuite de faire de la communication finalement pour eux à travers ton réseau d'influenceuses. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut avoir un réseau quand même important d'influenceuses sur différents réseaux sociaux. Ah Pour oui. pouvoir avoir une couverture large, mais en même temps, c'est une couverture large, mais une couverture ciblée, puisque généralement, ce sont des influenceuses beauté, et donc leur communauté est intéressée par la beauté. Contrairement à quand, par exemple, une marque va faire une publicité à la télé, elle n'est pas sûre que la personne qui va regarder cette publicité soit vraiment intéressée par les produits de beauté. Oui. C'est ce qu'on appelle une audience plus qualifiée sur les réseaux sociaux avec une influenceuse. C'est ça. On nous dit, c'est bien que les réseaux sociaux permettent de se passer des réseaux de la grande distribution et de consommer autrement. Oui, ça n'aurait pas été possible avant les réseaux sociaux finalement. Tout à fait. Oui. On était condamné à passer par les médias classiques. Et comment tu as sélectionné les influenceuses? Tu disais, elles sont en général influenceuses beauté, enfin, elles parlent beaucoup beauté. Oui. Alors, mon réseau d'influenceuses n'est pas encore totalement finalisé. Là, je suis surtout en période test, mais je dirais qu'il n'y a aucun souci à trouver des influenceuses. Il y a énormément de personnes bah, qui sont dans ce domaine, dans le domaine de la beauté, du bien-être, et qui sont intéressées par des produits, en fait, puisque elles vont tester les produits. Donc, en fait, c'est intéressant de chaque côté. Après, ce qui est plus difficile, c'est d'avoir des influenceuses déjà qui ont une communauté qui interagit et une communauté qui est active dans l'achat. Voilà, Oui. ça, c'est un peu plus compliqué. Et ça, tu t'en rends compte une fois le partenariat commencé finalement. Oui, je m'en rends compte à la fin du mois quand je vérifie, effectivement, je fais un point sur ce qu'on va dire sur la campagne. Il y a une visibilité ponctuelle. Ce qui est aussi embêtant un petit peu dans Instagram, c'est qu'il y a un réseau d'influenceuses très actif, mais communautaire. Donc, en fait, Oui. il n'y a pas réellement de visibilité après à l'extérieur de cette communauté d'influenceuses. Pour certaines, en fait, il y a des réseaux. En fait, elles sont plus. Alors, elles sont abonnées à chaque, on va dire, à chaque profil à collègues, en fait. Et elles interagissent oui. très bien entre elles. Donc, il y a une grande visibilité, effectivement, beaucoup de commentaires. Mais elles ont très peu de consommatrices. Elles sont, en fait, elles sont influencées entre elles. En fait, il existe des groupes qu'on peut rejoindre et comme ça, entre guillemets, on s'échange des likes ou des commentaires, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc, et du coup, toi, parfois, tu tombes dans le panneau, tu crois qu'un compte est assez visible et a de l'audience qualifiée et impliquée, mais en fait, c'est plus ce réseau-là qui joue. Mais en fait, le réseau est tellement énorme que tu ne le sais pas, puisque tu ne peux pas aller voir chaque followers à chaque fois quand il y a quelqu'un qui te présente sa candidature. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, je jette un petit coup d'œil vite fait sur le profil, je regarde la qualité des photos, je regarde l'interaction et puis je teste. Et c'est ensuite... À la fin de la campagne, que je vois si ça a été efficace ou pas. Oui, et après, je pense qu'il faut matcher un petit peu des deux. Parce que les marques, en fait, ce qu'elles attendent, c'est une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, pour les marques, c'est important d'avoir beaucoup de likes, d'avoir beaucoup de commentaires. Oui. Oui, parce que les marques partenaires te demandent un petit peu un compte-rendu ensuite de la présence sur les réseaux. Ou surtout du nombre de box vendus. Et aussi également du nombre des deux, en fait. Oui, d'accord. Ah, c'est intéressant. Et du coup, tu me disais que ton entreprise, enfin la BioSuitBox, est en fait une prestation de service pour les marques. C'est ça. L'idée, c'était ça à la base. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Comme je te disais, ça fonctionne au niveau des grandes marques. Mais sinon, voilà, pour mon concept, c'est un peu difficile, mais c'est l'idée. Oui. Et qui a été la première marque à dire oui ? Est-ce qu'il y en a une vraiment qui a été la première ? Alors, oui, une qui a fait un tarif intéressant pour un produit que sinon ne pourra pas rentrer dans la box, c'est Clairejoie. D'accord. Et parce que c'est un partenariat sur l'année, hein. A priori, les marques présentées peuvent revenir tout au long de l'année, c'est ça ? Oui. Alors, l'idée, c'est pas qu'il y ait à chaque fois, tous les mois, un de leurs produits, parce que sinon, on risque de se lasser. Mais oui. L'idée, c'est d'avoir deux, trois produits d'une même marque. Mmh. Un, comme ça permet effectivement à la clientèle de se rendre compte un petit peu de ce que peut proposer la marque, et puis peut-être par la suite, à essayer d'elle-même d'autres produits. Et c'est aussi une facilité parce que ça demande une gestion très importante. Donc, l'idée, c'est au moins d'avoir deux, trois produits de la même marque sur l'année. Oui, je vois. Comment tu as convaincu les premières alors ? Ça a été facile, entre guillemets ? J'imagine que non, en général. Non. Bah non, quand on n'est pas du tout connu, qu'on a un petit Instagram, voilà, le petit réseau d'Instagram, parce que mine de rien, bah les réseaux sociaux, c'est quand même important, c'est une vitrine. C'est la crédibilité, oui. Exactement. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai envoyé beaucoup de présentations à des marques. J'ai eu mon premier entretien, la marque me dit oui, pas de souci. Et c'était d'ailleurs, c'était un accord de compensation. Donc, en fait, c'était les produits contre de la publicité et puis vraiment avec un engagement important sur la vente. Et puis en fin de compte, la marque a fait machine arrière, ils m'ont plus donné de nouvelles, mais je pense qu'ils ont eu peur. Sur Internet, on ne sait pas, on ne sait pas trop, est-ce que les gens sont honnêtes, est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent. Je pense qu'elle a eu très peur, elle a eu peur d'envoyer quand même une certaine quantité de produits, c'est, pour eux aussi c'est un investissement. Donc, c'est pas grave, hein, c'est les débuts. Et puis j'ai contacté Clairejoie et là, ça a fonctionné. J'étais contente on continue. Tu t'en es servi comme un argument pour les autres marques d'avoir déjà une qui avait dit oui ? Non, pas du tout. Non, parce que je sais que moi, je me rends compte à quel point c'est puissant. Rien que tu vois pour des interviews comme ça. le fait de montrer que une marque plutôt bien en place a déjà dit oui une fois, ça crédibilise ce que je propose. Mais toi, t'as pas eu besoin. Non, non, non. Après, effectivement, en fait, c'est comme grande entreprise, hein, ils vont directement se renseigner sur les réseaux sociaux. Quand une marque a plusieurs années d'existence, c'est plus facile pour les grandes marques de donner gratuitement plusieurs produits parce qu'ils savent que ça ne va pas être perdu, en fait. Voilà. Oui. Oui, tu dois montrer patte blanche sur ta fiabilité. Ouais. Exactement. Et Et sur mes valeurs. oui, au-delà du fait de peut-être perdre leurs produits, ils ont peut-être peur d'être associés finalement à des valeurs hors sujet des leurs, si avec quiproquo. Tout à fait. C'est le risque sur Internet. Ouais. Et la présentation des produits, qu'est-ce qui est important pour toi, pour la présentation de ta box? Alors, comme je disais, en fait, la box, c'est pas seulement des produits. L'idée d'une box, au niveau des consommateurs, c'est de recevoir chaque mois une expérience. Une expérience qui se fait par les sens. C'est-à-dire, ils vont ouvrir, ils ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans. Ils ouvrent, voient, c'est beau, c'est bien emballé, c'est bien présenté, il y a des couleurs, ça sent bon. Voilà, c'est un réel plaisir. D'être dans son canapé, de recevoir un cadeau sans bouger et un cadeau en fait qui nous fait voyager. Le visuel et en fait l'odorat sont importants pour les produits. Et en tant que marque responsable, tu prévois des actions? J'aimerais bien. Là aussi, je pense que ça se fera avec le temps parce qu'on n'a pas encore totalement trouvé la clientèle. Et que, voilà, moi, ce que j'aimerais par la suite, c'est qu'avec l'achat des box, on puisse prendre une somme d'argent et puis agir concrètement pour la reforestation. Donc, en France, bien entendu, on ne va pas les reforester, on ne va pas les planter, je ne sais À pas, l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. Je veux dire, on est en France, on essaye de mettre en avant des marques françaises et on va agir concrètement à côté de chez nous. Et l'idée, ce serait bah, de pouvoir planter des arbres, donc qu'il y ait des projets qui soient présentés, que l'on choisisse tous ensemble le projet sur lequel on veut s'investir et qu'il y ait un suivi dans le temps de voilà, parce qu'en fait, ces arbres-là, c'est pas pour les couper dans 5 ans pour en faire du chauffage, parce qu'il y a aussi comment on appelle ça, des entreprises qui proposent de planter des arbres et qui en Oui. fait les font pousser simplement par la suite pour les découper et les Ah. utiliser. Là, c'est vraiment dans des projets, par exemple, un agriculteur qui subit un feu et qui a besoin de reboiser. Voilà, quelque chose vraiment de concret. Oui. Voilà, Ouais, donc c'est une très bonne idée en plus à nouveau de faire collaborer la communauté et qu'elle choisisse avec toi le projet. oui, bah, en fait, c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Et c'est Et c'est la par force des réseaux sociaux. exactement, voilà, qu'on se mette tous, je dirais pas autour d'une table, mais autour de notre téléphone, qu'on communique et qu'on agisse ensemble. Ouais, c'est intéressant, de jolies valeurs pour la BioSweetBox. Et maintenant, nous allons passer aux deux questions incontournables de beauté imaginée. Une gaffe cosmétique. Alors, une gaffe, ça m'est arrivé un jour d'extrême fatigue, et généralement, quand on est fatigué, on fonctionne par automatisme. Et voilà, j'ai pris ma brosse à dents et j'ai pris une crème pour le visage. Et au dernier moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon Ah dentifrice. oui. Ah, ça aurait fait un drôle d'effet. Ah, le pire serait de peut-être appliquer ça dans l'œil, ou ça, ce serait vraiment le pire. Mais là, oui, ça n'aurait pas été très agréable, en effet. On nous dit en commentaire, belle initiative. Et oui, c'est petit à petit par rapport au projet que tu évoquais. Tu attends de consolider le réseau pour ensuite pouvoir proposer des projets comme cela. Oui, et puis de savoir exactement également ce que clientèle, parce qu'effectivement, tout ça, c'est des paroles en l'air, mais quand il faut agir, c'est toujours compliqué. Est-ce que dans ces cas-là, on agit? Comment on agit? Est-ce que la seule chose qui intéresse, c'est en fait la quantité de produits? Oui, en fait, ça veut dire que au niveau de l'offre, il y aura un sacrifice entre guillemets à faire sur un produit pour pouvoir financer un projet. Oui, effectivement. Oui. Il va falloir faire des choix et ce sera les personnes qui décideront. Est-ce Oui, de ce qu'elle qu'effectivement, c'est des privilégie. produits dans une boîte bien présentée ou est-ce qu'on enlève la présentation? Est-ce qu'on veut simplement les produits? Combien de produits on veut? Voilà, effectivement, il faudra faire les choses. Oui. Autre question incontournable, est-ce que tu as un produit de beauté incontournable en ce moment? Un produit de beauté incontournable en ce moment. Déjà, je vais rester très terre à terre, hein, mais le savon solide pour moi est vraiment incontournable. Je préfère le savon solide parce qu'il y a moins de cochonneries, il est plus sain, donc il est vraiment incontournable et jamais sans ma crème hydratante. Ah oui, c'est toujours ce qu'on présente comme le béaba si on veut bien prendre soin de sa peau, notamment pour le côté anti-âge, c'est bien la nettoyer et l'hydrater. Voilà. C'est la base. Est-ce que tu as une marque en tête pour la crème? J'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça la crème qu'il y aura dans la box de février et franchement, elle est très Ah. très agréable. C'est une petite marque française Pure Eden. Je ne connaissais pas du tout et elle est vraiment très légère et elle ne laisse pas la peau grasse et elle hydrate vraiment très bien. D'accord, donc il faut acheter la Biosweet Box de février pour pouvoir découvrir cette crème-ci. Et nous avons un commentaire de Petit Électron Libre. En fait, les abonnés de cette box auront un rôle dans l'achat de la box qui va au-delà de simplement acheter des produits bio. Oui, pour rebondir sur le côté interaction, etc., tu veux vraiment les faire participer à la création. Oui, oui, c'est comme je disais, ça c'est un peu le lean, hein, c'est comme ça. Et puis dans les cartes des grandes entreprises, c'est ce qu'on appelle aussi la démarche qualité. Donc oui, que la clientèle, on travaille sur la box souhaitée, la box qui leur fait plaisir, mais également ça va au-delà de la box, et que si on l'achète, on fait vraiment une action et je veux qu'on travaille sur ces actions, Oui. les actions éco-responsables et les actions écologiques. Si possible. Eh bien, merci Myriam pour toutes tes réponses. Nous passons à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque, chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Nous avons donc trois informations à vous faire deviner ce soir concernant ma belle invitée Myriam. La première, à quelle cause Myriam est-elle particulièrement sensible? Alors, vous allez sans doute proposer des causes qui ont déjà été évoquées, mais je pense qu'en l'occurrence, celle-ci est n'a pas été dite précisément. Non, je me suis Qui? tenue. Oui, c'est ça, je me suis doutée. Qui Myriam a-t-elle hébergé chez elle, justement? Il y a donc un lien. Et quel type de livre Myriam aime-t-elle collectionner? On nous dit bon à savoir pour le savon solide. Oui, au niveau de la composition, c'est en général parce que je crois qu'on peut aussi proposer des savons solides qui finalement ont pas mal d'ingrédients, comme on dit, controversés. Mais dans Oui, l'ensemble, tout à fait. déjà, ça évite toujours le transport de l'eau qui est contenue dans un gel douche. Alors, voyons voir ce qu'on nous a proposé, petit électron libre nous proposait pour la cause, l'éco-responsabilité au vu de la box. Donc, en effet, c'est bien sûr une des causes qui te tiennent à cœur. Là, on pense à une autre. On nous dit cause animale. On nous dit également cause de la protection animale. Pour la personne hébergée, Maude Fontenoy, qui est navigatrice, et des livres de voyage pour les collections. L'écologie pour la cause. Oui. Tu aurais hébergé peut-être une star. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la cause? Est-ce que elle a été trouvée? La cause animale, Oui. et j'ai hébergé, j'étais dans une association qui récupère maltraités, des chiens qui venaient de Roumanie et des chiens également qui venaient des Antilles. Et donc, je faisais fonction de famille d'accueil. Et donc, il fallait réhabituer ces chiens à une vie normale, à une vie avec l'homme, à une vie de chien tout simplement, une vie de plaisir, une vie de jeu, une vie d'amour. Et voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ah, génial. Effectivement, je suis très sensible à la cause animale et d'ailleurs, ce qui me permet de rebondir sur le savon au lait d'ânesse, il faut effectivement privilégier le lait d'ânesse biologique parce que ça garantit la traitance animale, puisque comme c'est un lait qui est plutôt rare, il peut y avoir des dérives. Donc, le fait qu'il soit biologique, oui, est une sécurité pour les animaux. On nous dit, ah bah, ça avait été deviné là, juste avant que tu le précises, elle a hébergé un animal abandonné. Bravo pour cet hébergement qui est bien mieux qu'une star finalement. Bien vu, petit électron libre. C'est vrai, bien plus utile. Et à la fin de l'hébergement, l'animal est placé. Oui, alors bah, il y a une fois où vraiment j'ai craqué, j'ai gardé Oui. l'animal, mais il faut savoir que j'avais déjà, je vivais dans une fermette et j'avais déjà plusieurs animaux, donc c'était compliqué. Moi, j'aurais bien voulu tous les garder. Mais c'était vraiment Oui. très compliqué. Donc, il y a une fois où j'ai craqué et j'ai gardé la chienne et elle a eu une belle retraite. Mais sinon, effectivement, ça pouvait être du ponctuel sur quelques jours, une semaine. Et puis, ah, mais même j'en ai adopté plus. J'en ai adopté deux Ah d'ailleurs. oui. Voilà. Sinon, c'était du ponctuel. Et puis, j'allais aussi. Il y avait des moments où on recevait les chiens qui venaient de Roumanie. On leur donnait de quoi se substanter. Et puis après, on les mettait en relation avec les personnes qui les avaient adoptés. Donc, je m'occupais du papier administratif, etc. Voilà. C'était des tâches variées. Oui. Maintenant, tu as combien d'animaux, te demande-t-on? Ah bah je suis revenue en région parisienne proche et en appartement, donc là je n'ai plus qu'un chien. Et oui. Et déjà, ça prend beaucoup de temps. Et Tout de la à place quand même. Oui. fait. Tu pouvais pas te passer de. Parce que j'ai un Golden Retriever moi-même en appartement, donc. Je vois Ah bien que plus j'adore. ce serait difficile. Et oui, mais tu pouvais pas te passer d'un animal. Non, j'ai vécu quelques années. Sans aucun animal, c'est compliqué. Ouais, moi, voilà, j'aime bien la relation à l'animal. Et si je pouvais, je pense que j'aurais soit effectivement un refuge où j'irais chercher tous les animaux abandonnés ou j'irais travailler à la SPA. Ah oui, en troisième partie de carrière de reconversion, ça serait une possibilité pour toi. Exactement. Ouais, bah c'est génial en tout cas. Alors, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui se mobilisent. Le gros fléau, j'imagine que c'est ce à quoi on sensibilise le plus dans les associations, c'est l'abandon. Oui, c'est ça. Oui. C'est les personnes achètent à Noël pour faire des cadeaux et Ah abandonnent oui. avant l'été pour pouvoir partir en vacances. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est chaque année, c'est pareil. Hein. Ah d'accord. C'est la caricature qui malheureusement se reproduit, quoi. Ok. Oui, parce que les gens, en fait, effectivement, c'est compliqué d'avoir un animal et de Et partir oui, avec lui. sur la Après, durée. voilà, tout à fait, je ne jette pas la pierre. Donc, il y en a qui s'en sortent très bien, qui confient le chien à la famille ou qui partent un peu avec lui et qui après le laissent à la famille ou le mettent dans des associations ou des hébergements temporaires. Un animal, c'est pas comme prendre un objet. Ça a beaucoup de contraintes et c'est un membre de la famille. Et voilà, faut pouvoir y penser. On te demande si tu as peut-être une idée de boxe pour les animaux, du coup. Oui, j'y avais songé. Ah oui, peut-être dans un second temps. C'est ça. Et pour ce qui est des livres, on nous a proposé, alors, Harry Potter, on nous avait dit également voyage, les livres de voyage. Alors Harry Potter, oui, je les ai, mais c'est pas ma collection va au-delà. J'ai une grande partie de livres de psychologie. Voilà. D'accord, donc ça fait combien de temps que tu t'y intéresses? Depuis ma terminale, Et donc, tu as combien de livres maintenant? une trentaine ou une quarantaine. Et quand tu as lu tout ça, tu te dis, oh, c'est trop compliqué, on va retourner vers les animaux, non? La psychologie humaine, il y en a pour des tomes et des tomes, et encore beaucoup à écrire, je pense. Oui, on évolue, enfin, on apprend on découvre de nouvelles facettes régulièrement. Ouais. Oui, et on se découvre, en fait, toute la vie, on se découvre et on apprend sur soi-même et on évolue en fonction des événements, en fonction de notre histoire, des expériences que l'on vit. Et en fait, oui, on a toute la vie pour apprendre à se connaître. Un long cheminement, mais ouais, assez intéressant. Tout à Alors, fait. du coup, nous arrivons à la fin de ce live sur le thème d'une box beauté responsable. Après notre live, je posterai, chers auditeurs, la photo mystère de Myriam sur mon fil d'actualité. Merci beaucoup, Myriam, de nous avoir parlé de ce projet entrepreneurial et de tes convictions. Bah, merci à toi pour l'interview et merci à vous de nous avoir suivis. Ouais, on nous dit il y a encore du boulot par rapport à la psychologie du coup. Ouais, il y a beaucoup de Oui. choses à étudier encore. Chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez suivre les aventures de la BioSweetBox et donc interagir sur la box idéale que vous avez en tête sur son compte Instagram. Et pour la commander ou l'offrir, c'est en ligne sur le site biosweetbox.com. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog beautéimaginée.com pour écouter les replays de tous mes podcasts qui sont également disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, etc. Dernière question, Myriam. Pour une Oui. prochaine interview de Beauté Imaginée, est-ce que tu penserais à quelqu'un qui pourrait être un bel invité? Oui. Une influenceuse justement dans le monde de la beauté qui s'appelle Forever Dream 76. Voilà, ce qu'elle fait est assez original. Voilà. D'accord, je vais aller regarder ça, merci. Et on se retrouve pour ma part lundi 13h pour découvrir la marque française Princesse Lia qui avait participé à ma saga YouTube de tuto maquillage au mois de décembre. Une dernière chose pour conclure, Myriam? Juste, alors je vais remettre un petit coup sur l'écologie, quoi. C'est sur des Oui. petites choses, pas les grandes théories, mais ce qu'on peut faire chaque jour avec l'eau ou en ne laissant pas la lumière dans les pièces où on n'est pas, voilà, pour nos générations futures. On sait qu'il y a beaucoup de choses auxquelles penser, mais on peut avoir une action, en effet. Eh bien, à bientôt pour un prochain épisode de Beauté Imaginée. Bonne soirée! Merci, bonne soirée à vous. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode? Bah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère moi vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. C'est